Yep. That is me, damn like I, you know. Your condas. Oh, oh. Madame Vano, monsieur, garçon, pas chita la taille. La pluie avait tombé, nous parlons sans paix planté. Madame Vano, monsieur, garçon, pas chita la taille. La pluie avait tombé, nous parlons sans paix planté. Oh. Dans le timon la caillou, non. Yo, condense. Oh, oh. Les vies manger, reste un pot de l'eau mâché. L'on a fini récolté, tout timonio tombé danser. Yo pas les vies manger, reste un pot de l'eau mâché. N'a planté patate, n'a planté maïs, n'a planté du riban, manioc à point Congo. N'a planté patate, n'a planté maïs, n'a planté du riban, manioc à point Congo. Voyez-vous nous parler danser. N'a pas de maïs, n'a pas de patate. Tout si vous n'avez pas manger, n'a pas de banane. Tout si vous n'avez pas manger. N'a pas de maïs, n'a pas de patate. Tout si vous n'avez pas manger. Que pour un Congo qui m'a zombelle. Tout si vous n'avez pas manger. En vérité, nous pas les travailler. Tout si vous n'avez pas manger. Oui, la pluie tombe, la veine sacrée. Tout si vous n'avez pas manger. Nous doit pas rester, mais faut n'en travailler. Tout si vous n'avez pas manger. Madame la caillou, non. Yo, condense. Préparez pour la caille, monsieur, dame.